Là c'est le G, RK Kobalade, mode avion j'parle après. Ah, j'quitte le bled. Numéro 1 d'entrée, saute pas où t'as papier. Oh, c'est relief. Direction ton nez, elle partait cellophanée. Oh, si ça pète. J'finis condamné, Pouquet j'te monte en l'air. Et d'après j'alterne, on est ganté. On fait du rap et des affaires à côté. J'ai raté le train, j'reviens sur un refrain. J'ai fermé le terrain juste avant les condés. Salut mon vieux, tu me reconnais. J'viscère, j'vais en été, j'passe mes soirées à raconter. Et la putain de ta mère, on l'a fait en indé. J'perds un kilo d'herbe, sa mère on le récupère. On est ensemble les riches, j'perds du B, j'reprends en showcase. On est vrai de vrai, une basse qu'on s'en cache une deuxième. Tellement insolent, sourire aux lèvres, pour les quais t'as fait. Chargé dur, négro chargé dur. Fallait le dire, si t'as peur fallait le dire. Chargé dur, mon négro chargé dur. J'm'en bats les couilles, j'fous baisse tout. Ça toutes tes potes va leur dire. Chargé dur. La moula, de la moula, de la moula, de la moula. Faut que le commerce tombe dans ma moula. Quand tu sois malin, c'est à l'occasion mêlée. Avant de poissonner, poissonner la main, y'a rien de que le nuit. L'audit 4 anneaux. Maintenant, c'est moi le patron, c'est moi l'aîné. Je vois le niveau et j'accueille les vœux. Je compte dans le RS, 3 tout noir, toi ouvre. Quand je m'arrête au feu rouge, je rame une clope, j'ouvre la fenêtre. Je me rabatte au volant. J'ai bossé, j'ai rien volé. Et numéro uno, c'est ce que Dieu a voulu. 10 millions de vues sur ma chaîne, et je suis toujours dans le bat. La plupart de mes ennemis savent très bien où j'habite. Là où je cache. Et pour pas changer, faut des dents 54 des carcas. Pour frérot GLK, on vous offre des petits pas. Chargé dur, mon négro chargé dur. Fallait le dire, si t'as peur fallait le dire. Chargé dur, mon négro chargé dur. J'm'en bats les couilles, j'vous baisse tous. À tous tes potes, faut leur dire. Chargé dur. J'suis personne, moi, je rentabilise chaque mois. Le flingue dans l'armoire, vélo calé pour le parloir. Même si t'es armé, wagon, fais de la dette, t'inquiète pas, y'a les outils et dans la part. Y'a environ 10 millions de tueurs, et les salopes tirent, on est dans la tue. L'entends-tu, et nous quand ça tire, c'est pas que sur YouTube. Dis-moi tu, moi tu vu, Zénith, plus de garde à vue. J'suis avec patron du four, toi t'as mon âge, t'es à l'affût. Moula, moula, moula, moula, bah. Visière ta tête, tu ne me verras pas. Plus de mi-berge, je m'arrête pas. Ce que tu suces, c'est ce qu'on bat. Je veux ma part, pile à l'heure, il t'a barbé. Oh là là, rafale, et basta. Chargé dur, mon négro chargé dur. Fallait le dire, si t'as peur, fallait le dire. Chargé dur, mon négro chargé dur. Je m'en bats les couilles, je fous baisse tous. À tous tes potes, va leur dire.